Chapitre 12e. Et pourtant c'était madame de Penheim qui avait raison. Elle ne s'était point vantée en s'annonçant comme excellente ménagère. C'était même là, ainsi qu'elle l'avait dit, son unique talent. Cette princesse en le sou ne possédait pas plus de culture que de fortune. Elle ignorait les arts, enveloppait toutes les littératures dans le plus parfait mépris, et sa pensée, qui rarement s'écartait des choses pratiques, ne connaissait que deux champs de rêverie, la race, car si elle faisait bon marché des titres, elle avait au plus haut degré la religion du sang bleu et l'art culinaire dans toutes ses branches. Avec cela, elle savait commander et tout de suite elle affirma ses talents d'administration. En un temps incroyablement court, la domesticité épouvantée reconnut son maître. Les travaux commencés s'achevèrent. La maison renouvelée du fait à la base fut prête à recevoir les 12 et un habit arrivé l'heure où elle en pourrait appeler le premier détachement. Car elle avait résolu, après force délibération, de n'accueillir que 3 invités à la fois pour débuter. Et chose surprenante, même le choix de ce petit nombre d'élus n'avait pas été aussi facile qu'on eût pu le croire. Les postulantes, certes, ne manquaient pas. Mais par un sort étrange, il se trouvait, après enquête, que l'histoire de ces dames présentait invariablement quelques chapitres fâcheux, rendant leur candidature inacceptable. Anna ne pouvait s'expliquer cette malchance, et le bon Manske pas davantage. On appela au conseil la princesse que la conscience et le sérieux de son caractère rendaient bien plus propre à ses fonctions délicates que la légère Trudy. Mais sa présence ne fit qu'embrouiller les choses, car Trudy, au moins, était essentiellement dépourvue de préjugés, tandis qu'aux yeux de madame de Penheim, une bourgeoise était à peu près indigne de vivre et certainement indigne d'être accueillie à Kleinwalde sur un pied d'égalité. Or, comme son œil était perspicace et que la biographie des bourgeoises offre les mêmes défauts que les autres, le nombre des refusés augmentait toujours, d'autant plus que Manske, à plat ventre devant une princesse, n'avait plus d'avis personnel du moment qu'elle avait parlé. Lasse de tant d'incertitudes, Anna avait fini par décider de choisir elle-même celles qui lui paraissaient les plus méritantes, et par mesure de prudence, de limiter, comme on l'a dit, à 3 le chiffre des premières invitées. De ce nombre faisait partie une Bürgerliche, car elle avait adressé son annonce aux personnes de bonne famille tombées dans la pauvreté. Et entendant ce mot dans un sens plus large que la princesse, elle était fermement résolue à s'en tenir à la lettre de ses propositions. Pendant les journées qui précédèrent l'arrivée, elle plana sur les nues. Le mot d'extase est trop faible pour décrire la qualité de son état d'âme. Le temps était radieux et ajoutait encore à son bonheur. Quel signe favorable à l'entrée de ses chers protégés dans leur nouvelle existence. Quelle joie, pour ces vaincus de la vie, si longtemps plongés dans l'ombre du malheur, de se voir soudain bénis de soleil aussi bien que de paix et de sécurité. Le jeu des rayons tombant sur l'herbe verte à travers le réseau des branches, la mer scintillante, le bruit de la vague, le murmure du vent, l'éclosion d'une fleur nouvelle, la pure fraîcheur de l'air, toutes ces choses étaient pour Anna chargées de délices, mais il ne lui venait pas en tête qu'il pût en être autrement pour ses pensionnaires. « Oh, Letty, n'êtes-vous pas contente de les voir venir? Ne vont-elles pas être heureuses? N'ai-je pas eu une bonne idée ?» répétait-elle 20 fois le jour. Car Letty jouissait depuis peu du rôle de confidente auprès de Miss Estcourt, ayant témoigné pour les projets de sa jeune tante cette chaleur de sympathie si nécessaire à ceux qui se lancent dans une entreprise où ils mettent toute leur âme. Manske lui-même n'avait pas marqué plus de joie et d'enthousiasme naïf. Tout ce plan romanesque, ses inconnus à héberger, ses emplettes, ses préparatifs, ses lettres, ses allées-venues, ses attentes, c'était comme un conte délicieux, mais un conte vécu devant lequel même la figure héroïque de M. Jessop pâlissait un peu. Le matin du grand jour, elles sortirent de bonne heure pour aller faire provision de violettes, de giroflées, d'anémones et enfleurir les chambres des invités. Ces chambres avaient été l'objet de soins infinis. C'étaient les plus belles de la maison. Anne avait abandonné la sienne, trouvant que ses 3 fenêtres la rendaient particulièrement attrayante, et sur chaque meuble, sur chaque tenture, sur le plus petit détail, une somme incroyable de peine, de travail et de tendre prévoyance avait été prodiguée. Les livres seuls qui ornaient chaque bibliothèque lui coûtèrent plus d'une nuit sans sommeil. Car une chambre sans livres, arguait Anna, n'est pas une chambre habitable. Et comment deviner ce qu'aimeraient les élus ? Après bien des hésitations, elle avait distribué dans les trois chambres ses ouvrages de prédilection, mélangés à ses classiques chefs-d'œuvre que nul ne doit voir d'un œil indifférent. La princesse, interrogée sur ce chapitre, avait conseillé un simple manuel de cuisine. « De cuisine ?» répéta Anna surprise. « Mais je compte bien qu'elle ne s'occupe jamais plus de cuisine. »« Es ist egal. Il est toujours intéressant de lire une bonne recette culinaire. Aucune lecture ne m'a jamais procuré le même plaisir. »« Même si vous ne devez pas en faire usage ?»« Même alors, » affirma la princesse. C'était difficile à admettre, mais après tout, la dame connaissait mieux qu'elle, sans doute, ce qui convenait pour la lecture d'une Allemande. Anna plaça donc dans l'un des casiers un manuel de cuisine et dans les deux autres, pour faire la balance, elle glissa un volume de Matthew Arnold et un de Maeterlinck dont elle était particulièrement férue en ce moment-là. Comme elles arrivaient de la forêt, les bras chargés de fleurs, elles rencontrèrent Axel von Lohm, lequel, revenant à cheval de vaquer à ses fonctions souvent pénibles de Amtsvorsteher, s'arrêta ébloui devant cette fraîche apparition de printemps. Letty, nous le savons, n'avait pas été généreusement traitée par la nature. Mais après les phases brutales d'ivrogne ou de vaurien qui venait par son ordre d'être incarcérée provisoirement dans la prison locale, la petite figure de Letty elle-même semblait agréable à voir. Quant à la beauté d'Anna, elle lui parut si radieuse qu'il crut la rencontrer pour la première fois. Et par une sorte de contre-coup mystérieux, sa propre personne, ses occupations solitaires, tout ce qui était sa vie et son être, lui apparut comme singulièrement terne et désolé. Il descendit de cheval pour la saluer et aussi pour la voir de plus près. « C'est aujourd'hui, je crois, le grand jour » dit-il, indiquant les brassées de fleurs et baignant ses yeux au rayonnement de la plus belle de toutes qui était le frais visage de la jeune fille. « Les trois premières arrivent cet après-midi, » proclama Anna triomphante. « C'est ce que me dit Manske. Vous êtes contente, cela se voit assez, » continua-t-il avec bonté. « Jamais je ne l'ai été autant qu'aujourd'hui. »« Votre oncle était un sage, » fit Axel méditativement. « Il me le disait bien que sa chère nièce saurait se faire un bonheur simple et une vie utile. Il vous parlait de moi. Depuis son dernier voyage en Angleterre, il ne parlait que de vous. »« Oh !» fit Anna pensive. L'oncle Joachim, elle ne l'avait pas oublié, recommandait deux choses expressément dans sa lettre posthume. Il lui conseillait la vie meilleure qu'elle était justement en train de réaliser, du moins elle l'espérait, et de ce chef elle était en règle avec l'ombre du cher homme. Mais il lui enjoignait non moins expressément d'épouser un bon gentilhomme allemand, et de cette recommandation l'esprit aussi bien que la lettre était demeuré complètement négligé. Elle avait mieux à penser qu'à cet épouseur, heureusement hypothétique. Une vive rougeur traversa sa joue délicate lorsqu'elle comprit soudain que le bon gentilhomme allemand était là devant elle. Que le testateur avait bien et bien comploté de la marier à Axel von Lohm. Voilà comme le pire des oncles peut errer. Une ombre de déplaisir passa dans ses yeux si doux, bientôt vaincus par les rayons plus puissants de sa grande joie intérieure. « J'espère, » dit Axel, « que ces femmes ne vont pas trop vous tourmenter. » Quelle pitié, songeait-il avec impatience, de penser que tant d'innocente joie peut être bientôt rudement détruite. Qu'elle le sera sûrement. « Me tourmenter ?» fit Anna avec un beau rire. « Les pauvres, si vous saviez ce qu'elles ont souffert, vous ne leur prêteriez pas la possibilité de tourmenter les autres. Jamais je n'ai vu des lettres aussi pitoyables. » fit Axel. « Manske me dit que l'une d'entre elles est une Treumann. Je connais la race. Il n'en est pas de plus désagréable, de plus violente et tracassière. Mais cette dame n'est une Treumann que par mariage. On adopte généralement les vices des familles avec lesquelles on s'allie. Eh bien, celle-ci doit faire exception à la règle. Les malheurs inouïs qui ont frappé cette pauvre veuve semblent l'avoir laissée absolument écrasée, annihilée. Je n'ai jamais entendu parler de Treumann aplatie de façon permanente, fit Axel sceptique. Vous cherchez à me décourager, dit Anna mécontente. Elle était déjà fort susceptible sur le chapitre de ses élus comme sont les mères pour leurs enfants difformes. Dieu m'en garde, fit-il avec ferveur. Je voudrais vous armer. Il se pourrait que vous fussiez désappointé. Clairement, d'après sa voix attendrie, M. Delorme ne considérait pas avec indifférence la perspective d'une déception possible pour Anna. Mais sans se laisser toucher par cette obligeante sollicitude, elle poursuivit, agressive, « Peut-être avez-vous aussi des renseignements fâcheux à me fournir sur les deux autres. La première est une Fräulein Kuhrauber. Je n'ai jamais entendu parler de Fräulein Kuhrauber, fit Axel, évidemment égayé par ce nom. Voleur de vaches. Que dit la princesse Ludwig de sa venue? Qu'en dirait-elle? Fit Anna évasive. Elle savait assez, d'après le visage de la dame de compagnie, ce qu'elle pensait à cet égard. L'autre est une baronne Elmreich, ajouta-t-elle. Je connais les Elmreich. Il en est de recommandables. D'autres ne le sont pas. Un baron Elmreich fut pris trichant en jeu l'an dernier et se brûlait la cervelle. Une de ses sœurs, puis s'arrête en cours. Ces commérages sont sans intérêt. Je vous remercie, dit Anna sèchement. Vous êtes fâché? Oui. Pourquoi? Vous me dites des choses qui me peinent et que je ne désirais point savoir. Est-ce leur faute à ces chers affligés si leur parenté est indigne? Mais bientôt, j'espère, elles seront à l'abri pour toujours de la malveillance et des méchantes langues. Miss Letty, dit Axel, se tournant vers la petite fille, votre tante est-elle toujours d'humeur aussi féroce le matin? Je ne crois pas, dit Letty, mais c'est l'heure du déjeuner, vous savez. Grand merci de l'avertissement, fit Axel, se disposant à remonter en selle, et accepter toutes mes excuses si je vous ai indûment retenu ici. Reviendrez-vous bientôt? Demanda Anna, relevant ses jupes d'une main pour traverser la route. Certainement, si vous ne m'en voulez plus. Non, dit-elle en riant, c'est fini. Croyez-vous qu'aujourd'hui, je pourrais demeurer longtemps de méchante humeur? Allons, je sens le café qui est prêt, dit Letty. Je viendrai demain, puisque vous m'y autorisez, faire la connaissance de Madame de Treumann et de la baronne Elmreich. Et de Fräulein Kuhrauber, appuya Miss Estcourt, soupçonnant chez lui des tendances analogues aux préjugés de la princesse, morgue nobiliaire, qui leur faisait ignorer l'existence même d'un être humain porteur du nom de Kuhrauber. Les rôtis brûlent, elles ne sont pas mangeables, remarqua Letty. Je vous souhaite bonne chance, dit Axel, soulevant son chapeau. Du meilleur de mon cœur, je souhaite que ces dames soient bientôt aussi heureuses que vous l'êtes vous-même. À la bonne heure, voilà qui est parlé, dit Anna. Et moi, je suis sûr, absolument sûr, que votre aimable souhait sera exaucé.